Okay. Bon, le sujet de la soirée, c'est la solution à toute question. Et si on part par une définition de ce que c'est une question, on est obligé d'établir le fait que toute forme de question qui se présente à votre mental, c'est un obstacle. Si quelqu'un, exemple, dans la salle, me pose une question, il me met en opposition. Il m'oblige, dans un sens, à me mettre en vibration pour donner une réponse. Donc, toute personne qui est exposée à un questionnement, qu'il ne résout pas, c'est-à-dire qu'il ne passe pas à la réponse, est pris dans une réflexion. La réflexion étant la recherche d'une réponse à des questions qui se présentent à son mental. Donc, réfléchir, c'est le cas de bien des situations où c'est impossible de trouver un débouché à l'obstacle qui nous est présenté. Fait qu'on nous présente un obstacle, une limitation, un empêchement, on vous enlève quelque chose, ça vous fait vous questionner sur vos ressources, quoi que ce soit. Bien, vous allez réfléchir. Vous allez être pris dans un vortex de réflexion. Ça, c'est le party de l'astral. Quand ils organisent un rave, là, ces plans, là, ils rassemblent un environnement de gens qui vont faire réfléchir. Fait qu'un concours de réflexion, c'est un rave pour l'astral. Puis nous autres, on en rêve d'une façon à vivre un cauchemar, parce qu'il faut se sortir éventuellement de l'obstacle, du questionnement. La réponse. C'est un mouvement. Mouvement, pourquoi je dis mouvement? C'est parce que de l'esprit, c'est du mouvement. De l'astral, c'est du temps. Le temps que vous êtes prisonnier, le temps qu'on vous fait attendre, le temps qu'on vous impose pour arriver à une solution concrète, c'est toutes des situations qui sont astralisées. Donc, c'est toutes des situations que les entités ont tendance à promouvoir pour pouvoir mettre l'emphase sur une souffrance, sur une torture que votre corps cellulairement va vivre, que vous avez une polarisation qui va s'installer dans le cadran. Fait qu'un party d'astral, un party d'entité, c'est tout le temps axé sur une obsession réflexive qui sont liées à des obstacles sur lesquels vous pouvez pas vous mettre en mouvement. Absence de mouvement égale prison. Absence de mouvement égale maladie. Absence de mouvement implique une éventuelle catastrophe, c'est parce que moins vous bougez, plus vous vivez de l'inertie, plus l'inertie gagne sur la volonté de bouger. C'est-à-dire que moins vous bougez, moins vous allez vouloir bouger, puis éventuellement vous êtes en prison. Puis votre prison devient une absence de volonté d'être en mouvement. Vous vous sortez de prison dès que vous voulez faire un changement, dès que vous avez un intérêt à plus être dans l'inertie, à ne plus trouver l'inertie comme étant une solution à votre problème. Parce que l'astral gagne sur vous, mentalement ou émotionnellement, elle vous impose une impression d'incapacité, une impression de manque de ressources, qui fait qu'éventuellement, vous acceptez votre sort, vous acceptez la condition dans laquelle vous êtes. Puis là, à ce moment-là, c'est que cet arrêt de mouvement-là vous rapproche de plus en plus vers la fin, donc vers la mort. Vers la fin, ça va être la fin d'un projet, la fin d'une vision, la fin d'une perception d'un avenir quelconque. Puis éventuellement, vous mourrez petit feu. Faut jamais que le mouvement vous sorte du corps. Faut toujours que vous soyez en mouvement. Faut jamais que la routine vous atteigne. Faut qu'il soit possible en vous de toujours avoir des réponses. Mais attention, une réponse, c'est pas nécessairement la solution. C'est déjà beaucoup d'avoir une réponse, mais c'est pas suffisant. Parce que l'autre piège, la réponse, c'est de penser que la réponse est suffisante pour engendrer une espèce de mouvement perpétuel. C'est faux. Votre mouvement personnel, c'est un mouvement qui peut être mental, donc qui peut tourner à la philosophie. Vous allez faire de la conscience dans votre vie, vous allez faire de la conscience comme il y a du monde qui font de la dope, là, qui font de la coke, puis vous allez vous droguer d'impression d'avoir des raisons. Vous allez vous droguer d'avoir l'impression d'avoir des réponses, puis vous n'aurez pas nécessairement la capacité de passer aux actes, capacité de mettre la solution en mouvement. Donc, c'est très, très, très important de comprendre pour l'individu que des réponses, c'est du mouvement dans le mental, mais c'est de la respiration artificielle tant que c'est pas arrivé à la solution. Que d'avoir des réponses, ça fait juste donner à l'imaginaire une porte de sortie. Ça donne à l'individu aussi une capacité de supporter le temps. C'est beaucoup. Supporter le temps avec des réponses, c'est bon. Mais il faut plus que ça. Il faut éventuellement que l'individu sache qu'il peut appliquer ce qu'il sait appliquez ce que vous dites, appliquez votre information dans l'action. Ils vont vous dire, c'est pas si évident que ça, là. C'est pas parce que tu sais comment changer un flat sur ton auto que tu es capable de changer un flat sur une auto. C'est pas parce que tu as lu un livre sur la Thaïlande que tu as voyagé en Thaïlande. Tu fais juste être bien informé sur la population, sur les structures économiques du pays, sur les cultures, les aspects culturels du pays, ces choses-là. Tu peux être probablement mieux informé qu'un Thaïlandais sur son propre pays, mais ça te fait pas vivre en Thaïlande. Ça te fait pas goûter la vibration de la Thaïlande. Toi, t'as voyagé pas mal. Il y a bien des affaires que t'as lues qu'une fois rendu là-bas, tu te souvenais pas ce que t'avais lu, mais tu savais en maudit ce que tu vivais, vraiment, tu sais. En Thaïlande, tu y étais. Bon, ben, c'est ça, tu sais. Fait qu'un gars qui va te parler de Thaïlande, là, puis qui sort des livres, puis de la théorie, puis le kit, tu vas faire la différence entre un autre qui y était, puis qui a voyagé, puis qui t'en dit moins. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui se gargarisent de réponses, mais il y en a très peu qui passent aux solutions, donc à l'engagement dans le mouvement. Donc, la solution à toute question, hein, c'est quoi, vous pensez? D'être engagé dans le mouvement. Et voilà, que c'est brillant, cet enfant-là. C'est une femme d'engagement, ça. Pour savoir ça aussi ardemment que ça. Hein? OK? C'est ça. Oui, c'est ça. Avec la réponse, la solution à toute question, c'est l'engagement. Une personne qui a des réponses, une personne qui a accès à une mise en vibration, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vibrent l'avenir, qui vibrent à cause d'un grand senti, une grande sensibilité, qui vont vibrer qu'il faut faire telle chose, faut faire telle chose, ou faut s'embarquer dans telle affaire. Beaucoup de gens ont accès à des réponses, donc ont accès à une vision, excusez, je viens de souper, à une vision du mouvement, mais pas tout le monde est capable de s'engager. Je pourrais vous donner des cours de bourse, vous dire, bon, ben ça, c'est garanti, vous pouvez faire tant à condition que vous faites telle chose. C'est garanti sur le papier, on met ça sur une structure théorique avec un ordinateur qui exécute les commandes automatiques. Vous allez voir que avec 5 000 $, vous pouvez faire facile 100 000 par année. Bon, ça, c'est des réponses. Le robot, lui, il n'y a pas d'émotion, il n'est pas programmé pour avoir un destin avec un accident d'auto, des affaires de même. C'est un robot. Fait que c'est un computer qui exécute une loupe. Dès qu'il rencontre telle condition, il exécute. Il te sort là, il t'achète là, il te vend là, pop, pop, pop, pop. Lui, il est programmé, entre guillemets, pour être engagé sans penser. Ça s'exécute, tout se passe, bravo, c'est fini. Vous rentrez là-dedans, vous avez une programmation astrologique. Vous avez des émotions, vous pensez, vous avez de la réflexion, l'astral est sur votre cas, vous gagnez gros, vous vous excitez, vous allez prendre une brosse, vous revenez, le lendemain, vous l'avez perdu, parce que vous avez fait tellement d'argent que vous avez bu plus que votre budget d'il y a 2 semaines, qui n'était pas gros, puis là, ben, parce que vous avez fait des scènes, vous avez bu 4 fois le nombre de litres d'alcool que vous êtes capable de prendre, puis du bon, hein, parce que vous avez payé pour, puis vous aviez l'argent pour le faire, puis... À cause du fait d'avoir gagné, bien, ça déstabilise votre vie pour vous présenter à une perte. Un robot, lui, vit pas ça. Il exécute. That's it. Là, vous allez dire, ouais, mais si on est engagé, on change quoi? Une personne qui est engagée, en général, a une espèce de sensibilité et, je dirais, une sorte de plan de match pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y a à faire. La sensibilité, c'est pour être comme toujours à l'écoute de qu'est-ce qu'elle peut ne pas savoir, qui pourrait être nécessaire de savoir s'il y a des imprévus. Fait qu'elle reste pas fermée, elle se fixe pas sur un plan de match comme l'ego pourrait faire. Donc, elle dit pas, ben là, ça se passe de même, puis on reste fixe à ça. Elle va toujours être à l'écoute de qu'est-ce qui peut varier, de qu'est-ce qui peut être un chaos éventuel. Parce que quand t'es engagé... Tu rentres dans un mouvement, puis tu veux pas te faire casser dans ton mouvement. Fait que tu es toujours comme éveillé. C'est un peu comme conduire une moto. Tu conduis une moto, tu es bien proche de l'asphalte. Il y a le désavantage que si tu tombes, tu vas passer à la varlope assez longtemps. Puis c'est très désagréable. Puis il y a l'avantage qu'en étant très près de l'asphalte, tu connais les moins de fissures dans l'asphalte. Tu les vois venir d'avance, tu es plus proche de l'obstacle. Donc, tu peux traiter plus rapidement avec l'obstacle. Puis, comme tu as moins de surface, ça se fait, mais tu peux facilement passer entre les obstacles qu'il y a. Par contre, l'obstacle peut t'arrêter plus brutalement. Fait que tu as un désavantage, puis tu as un avantage. Quand tu es sensible, tu tu peux utiliser au maximum tes avantages, puis éviter le plus possible les désavantages. Puis tu as un plan de match, bien, c'est simple, c'est une route à suivre, c'est une façon de faire les choses qui va t'amener, avec un protocole de pensée, à arriver à un certain registre de résultats ou de performance X. Puis dans ton plan de match, souvent, tu vas inclure les pertes ou les dommages qui sont possibles éventuellement. Si tu fais de la moto, il pleut, ça fait partie de la game. Tu fais de la moto, tu reçois des mouches dans le visage, tu baisses ton casque, à moins que tu veuilles le manger, tu sais. Okay. La dynamique, donc, de l'engagement, c'est la seule façon d'en arriver à sortir de la philosophie puis de sortir de la théorie. Une personne qui est réellement très, très, très, très, très, très consciente, c'est que ce qu'elle parle, ça peut être des réponses, mais que ce qu'elle fait, ça va être strictement ça sur quoi elle s'engage. C'est pour ça que si vous voulez de la crédibilité quand vous parlez, parlez pas des réponses strictement, parlez des faits vécus. Parlez de ce que vous savez comme principe qui relève de vos faits vécus, qui relève de ce que vous avez déjà été engagé dans le passé. Engagé au niveau structure de travail, engagé au niveau affectif. Engagé sans penser que votre engagement est supérieur aux autres, parce que la solution que vous avez pour vous n'est pas nécessairement la solution qui s'applique pour les autres. Plus vous êtes capable d'aller au principe dans vos conversations, donc dans vos réponses, plus vous pouvez avoir des chances dans vos solutions, donc dans les exemples de votre vie que vous donnez, vous avez plus de chances que ça s'applique à plus de monde, parce que vous allez être capable d'être assez spécifique avec votre sensibilité pour dire à des gens, ben moi, la solution que j'ai trouvée pour moi, c'est ça, dans le principe que je t'énonce. Fait que votre réponse va sortir d'un principe, comme quand je te parlais après-midi, si tu me parles de ta vie en détail ou en privé, c'est comme si ça coupe l'énergie d'un groupe. Si on parle en privé, seul, pas de trouble. Si on parle en groupe, tu me parles d'un cas privé, ça ne matche plus, parce que c'est plus au niveau du principe. Tu prends quelque chose au niveau du principe, là, il y a un mouvement là-dedans, tout le monde peut essayer de se raccorder dans son expérience personnelle. Puis à un moment donné, tu dis, moi, j'ai vécu ça comme ça. Puis j'ai compris dans mon engagement dans ce processus-là d'action ou d'exploration, j'ai compris telle chose. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez ou qu'est-ce que vous avez vécu qui peut se raccorder à ça? Là, tout le monde peut avoir l'expression de son plan de match, puis selon sa sensibilité, faire des raccords entre ton expérience personnelle puis ton expérience à toi. Est-ce qu'on comprend-tu? Ça améliore vos conversations, ça améliore le fait que les gens vont vous donner du crédit parce que vous êtes premièrement capable d'identifier le principe, puis que deuxièmement, vous êtes en plus capable de donner un facteur de vécu là-dedans. Mais le facteur de vécu, s'il prend plus d'importance que le principe, ils vont dire, bon, c'est son affaire, c'est Christ, il n'a pas compris ça de telle façon que ça rentre avec ses troubles. Une question, la même chose. Si vous questionnez au niveau d'un détail, très peu de gens vont être capables de vous répondre parce que tout le monde va référer à sa propre mémoire. Si vous questionnez au niveau d'un principe, tu dis, je sais pas, moi je suis pris avec un problème de distribution de ce temps-là. Bon, je dis, écoutez, tu connaissez-vous du monde qui règle des problèmes de distribution? Ah, vous dites, distribuer quoi? Bon, je sais pas, n'importe quoi. Là, je pense que si on est capable de vendre un 2 par 4, on devrait être capable de vendre un CD. Ah, mais un CD, ben 2 par 4, ça se vend pas pareil. Bon, OK, c'est quoi le principe? Qu'est-ce que tu veux me dire? Ouais, mais du 2 par 4, on utilise ça plus souvent, puis le CD, on l'utilise moins souvent. Ah, ben, c'est intéressant, ça. Pourquoi, dans quel contexte, papa? Là, tout le monde arrive avec son expérience de distribution, puis là, à un moment donné, à l'entendre parler, tu trouves ta solution. Parce qu'il dit, ah, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça. Puis dans l'expérience que les gens ont vécue, la solution qu'ils ont trouvée pour leur type de question, qui était, exemple, le problème de distribution, ben tu vas finir par trouver ce dans quoi tu es capable d'engager. Fait que c'est clair que je n'irai pas chez Canadian Tower pour aller vendre du matériel qui n'est pas de la quincaillerie quand c'est pas de la quincaillerie. Là, quelqu'un va dire, ben va voir un peu un agent d'artiste, mettons, ou des affaires de même. Puis, il me semble que ça passerait mieux, là. Vous me suivez? Mais on est parti du principe, on a été chercher l'expérience de tout le monde, donc les solutions de tout le monde, et puis on regarde ce dans ce qui a été parlé, ce dans quoi on peut s'engager. Mais il faut partir le plus possible dans la question comme dans la réponse, il faut le plus partir possible. Ben, j'ai un trou, hein? Du principe. Pourquoi j'ai retenu ça? C'est pour que ça paraisse plus. C'est bon, ça. Il ne manque pas le coup. Fait que si vous avez à ce moment-là une capacité d'engagement, toutes les réponses que vous allez pouvoir cueillir dans la société. Vous n'êtes pas obligé de parler avec des gens qui vous aiment. Là, t'sais. Vous pouvez parler avec n'importe qui. Puis tout le monde va avoir des réponses si vous êtes capable de décortiquer une réponse qui va au niveau du principe. Si tu dis à quelqu'un, je veux m'acheter une 30-08, puis l'autre, tu dis à gars, je voudrais aller dans le monde de la chasse puis tirer du lapin. Si tu arrives tout de suite avec, je veux m'acheter une 30-08, le gars, il va dire, tu veux chasser quoi? Du lapin. Ben, c'est pas la carabine pour ça. Ouais, pourquoi pas? Un bel, la carabine? Non, mais c'est trop gros calibre, ton lapin, tu ne le retrouveras même plus. C'est, ouais, mais le lapin, si je le tire puis qu'il est loin. Ah, mais s'il est loin, le lapin, ça saute, ça court, tu l'auras encore moins. Peut-être mieux de le tirer au 12 ou au 410. C'est quoi, c'est un 12, un 410? Tu sais, tu as mal posé ta question. Ou tu as affirmé quelque chose, une solution qui ne collait pas avec la question initiale. La question, c'est genre, je voudrais aller à la chasse au lapin. Qu'est-ce que tu me recommandes? Là, le gars va dire, ben moi, mon expérience, c'était que, pour du tir à vue, pour du tir proche, pour du tir ci, pour du tir ça, j'utilise tel ou tel ou tel calibre. Là, tu vas l'avoir, ta réponse, puis ta solution, donc ton engagement, elle est tirée sur l'arme qui correspond à ça. Mais si tu es collé à l'arme, tu ne veux pas décrocher, c'est absolument une 30-08 que tu veux. Le gars, il va dire, c'est pas le lapin, il faut que tu tires, là. C'est de l'éléphant, là. C'est du caribou, c'est de l'orignal, tu sais. Et que là, à ce moment-là, ben, tu sais que tu peux corriger ta réponse, puis conséquemment, ta solution va fitter avec le questionnement, style quel genre de chasse tu veux aller. Bien important de comprendre que toute forme d'engagement est une réponse, est une solution, et que ça sous-tend que des gens vont vous questionner sur ce que vous vous engagez. Puis qu'à chaque fois que vous allez répondre sur ce que vous vous engagez, vous allez passer le test de votre engagement. À chaque question que quelqu'un vous pose, style « ça va-tu bien dans la vie? » Tu sais, il y a bien du monde qui dit « comment ça va? » Puis, tu sais, on dit tout le temps « ça va, ça va. » Puis, mais si vous... Tu sais, si Mané, tu dis « hé, bouge pas, t'es là, là. Tu m'as posé une grosse question. Qu'est-ce que je t'ai fait, t'es là? » Ah non, tu m'as dit « comment ça va? » Puis là, tu dis « viens ici que je te parle. » C'est important, cette question-là. De ce temps-ci, je vis des gros changements, puis tu me poses la question. Je pense qu'avec cette question-là, je vais faire un bout de chemin. Là, vous dites, si t'es dangereux, t'as créé la speedy-pédé le matin? On a beaucoup de questions qu'on se pose dans la vie, qu'on traite banalement. Mais à chaque question, vous avez un obstacle. Puis à chaque fois qu'on vous met un obstacle, c'est drôle à dire, hein, si vous n'avez pas de réponse, on vous bloque votre mouvement. On te pose une question, t'as pas de réponse, un blocage. Comment ça va, comment ça va? Tu sais, tu passes devant 45 personnes quand tu t'envoies le luncher. Comment ça va, comment ça va, comment ça va, comment ça va? Au début, tu dis, ça va, ça va, ça va. Tu sais, Mané, ah, ça va. À la fin, tu pars à broyer, tu sais. Il y a trop d'obstacles. Fait que si t'es pas sûr de, oui, ça va, tu sais, ben là, c'est sûr que, rendu à la fin de la ligne, la 40, tu vas crever. Parce qu'à chaque obstacle, ça tire du jus. Mais si tu vois la ligne, tu es habitué de te faire questionner comment ça va, tu sortais de la ligne, tu montes sur une table, tu dis, écoutez-moi bien, là. Avant que vous me demandiez comment ça va, j'ai autant vous le dire, j'ai gagné 1 000 000 hier. Fait que écœurez-moi pas, vous n'aurez pas d'argent, j'en donne pas à personne. On continue la vie comme si rien s'était passé, OK? Fait que ça va. Là, tout est réglé. Fait que là, le monde va dire, oups, là, lui, ça va bien. Faut suivre son mouvement. Fait que là, tu t'en vas te chercher d'autres billets au dépanneur, puis t'as 40 personnes en arrière de toi qui veulent goûter au mouvement. Ils n'ont même pas checké si tu avais vraiment gagné 1 000 000. Parce que le monde, ils s'engagent ou ils suivent la solution des gens qui ont l'énergie de l'engagement. Donc, ils ont l'énergie de la solution. Affirmez pas des réponses que les gens vont penser que vous êtes capable parce qu'ils vont vous loader de leur questionnement, de leur trouble existentiel, de leur conflit psychologique. Pour avoir élevé des enfants, on comprend éventuellement que les enfants posent beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. C'est normal qu'ils posent beaucoup de questions parce qu'ils sont pris en charge. Puis éventuellement, l'enfant veut se libérer des réponses de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se couper de la prise en charge. Ils veulent faire leurs propres décisions. Ils veulent avoir leur propre pattern de contrôle, puis de développement, puis ces choses-là. Fait que c'est normal qu'une personne, à un moment donné, que tu as aidé beaucoup dans son questionnement, en vienne à vouloir pas mettre tes réponses en doute, mais à vouloir se dégager de ton propre mouvement ou de ton propre champ de réponse pour avoir son propre centre décisionnel, puis s'afficher dans un centre décisionnel qui est assez puissant pour lui faire sentir qu'il est engagé dans son propre mouvement avec ses propres choix. Même si c'est pas que tout est marqué d'avance, ça reste quand même que l'ego a toujours l'impression de faire un choix. Puis l'engagement, ben quand tu es dans de l'engagement, tu développes de la sensibilité, puis ton plan de match dans la vie, il se raffine. Parce qu'on a toujours besoin du support de l'ego au niveau intellectuel, au niveau matériel, au niveau émotionnel même. Puis ça demande que ce plan de match-là soit en évolution. Mais un plan de match strict, pas d'identité, mettons, c'est pas capable de s'engager. Il faut peut-être l'identité pour t'engager. Peut-être un minimum de vision puis de force de caractère à l'exécution de cette vision-là pour pouvoir vraiment mettre en marche quelque chose. Tu avais une question? Tu en avais deux? Non, pas quatre quand même. Ben écoute, le temps, j'en ai parlé beaucoup, tu n'étais pas là, c'est plate. Il faudrait que tu rachètes une couple de CD pour voir ce que j'ai dit là-dessus. Il y a des obstacles. Hein? Mais c'est sûr que quand tu t'engages, ça prend du temps, tu sais, parce que un mouvement ou une réponse, un plan d'architecte, c'était mieux pour te faire ça simple. Un plan d'architecte, ça présente toutes les probabilités d'une construction, en général. OK? Tu arrives sur le terrain, puis le plan, il faut toujours quelques modifications, quelques corrections. Ça, les contracteurs vont te le dire, c'est très, très difficile d'exécuter un plan tel que le plan a été fait. Pourquoi? Parce que sur le terrain, il y a des variantes qui modifient ça. Donc, un contrat ou une entente ou un engagement, il ne faut pas que ça soit lu comme final. Il faut que ça soit lu comme un point de départ avec ajustement. Si tu regardes un engagement comme une fixité, dans le sens que je m'engage avec telle clause, ben tu risques de ramener ça au niveau de l'ego, perdre ta sensibilité, puis de revenir juste à un plan de match. Mais là, ça veut dire que ça va être contrôlé par l'âme, donc contrôlé par l'astral, donc contrôlé par les jeux de réflexion dans l'ego, puis tu vas vivre beaucoup de temps là-dessus. Quand c'est fait, sa vibration, tu as accès à ton plan de match, il y a une grande sensibilité, justement pour pouvoir t'ajuster aux aléas de la vie, là, aux modifications de la vie. Moi, il y a beaucoup de choses dans ma vie depuis quelque temps que je vis pas comme je voudrais. Fait que je m'ajuste à ce que je peux faire et non pas à ce que je peux pas faire. Ce que je peux pas faire, je peux pas faire. À tous les jours, je vérifie si je peux le faire, puis quand je peux pas le faire, ben je retourne à ce que je peux faire. Donc, je m'arrange pour contenir sur ce que je peux m'engager. Ben, je peux m'engager. Je le fais. Je ne peux pas m'engager, je ne le fais pas. Ou je ne touche pas à ça. Il y en a qui me disent, tu n'as pas le goût de te marier? J'ai contenu ça pendant 23 ans. Puis là, j'ai besoin d'un break. Puis je vais contenir mes relations avec les femmes en général pour que ça me donne la présence intime, affective qui me convient, que je contiens, sur lequel je peux donner un retour que je contiens puis que je conviens. Je veux pas m'embarquer à m'engager pour m'engager. Je veux m'engager sur ce que je contiens. Et que si tu t'engages pas sur ce que tu contiens, tu vas vivre beaucoup de temps parce que tu vas toujours être en mode performance puis tu vas toujours être à la recherche d'une date, d'une échéance. Fait que c'est toujours long quand tu peux pas. C'est toujours court quand tu peux. Tu peux te prendre un verre d'eau, mais t'as pas de lait. Pour te boire du lait, faut t'aller au dépanneur, il y a une tempête de neige dehors, tu peux pas sortir ton char, faut que tu y ailles en raquette. Fait que boire du lait ou une tasse de café avec du lait, C'est long. Boire un café noir ou boire un verre d'eau, c'est tout de suite. Qu'est-ce que t'aimes mieux? Le lait absolument? Sors tes raquettes, mon pire. J'irai pas à ta place. C'est simple de même. Fait que tout ce que tu t'engages, qui est la vibration, qui est l'immédiat, que c'est pas l'ego qui cherche à imposer des règles du jeu sur un plan de match quelconque, avec ta sensibilité, tu vivras plus de temps. Tu vas ramener ça à qu'est-ce qui est faisable, à qu'est-ce qui est réalisable, à qu'est-ce que la solution peut mettre ou conserver comme mouvement. Là, à ce moment-là, tout fonctionne. Mais tu commences à établir des critères, puis c'est ça que je veux, puis papa, tu crées, tu vas gueuler à journée longue, tu vas écœurer tout le monde, on va tout te coller là. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas capable de supporter le temps, parce que tu ne contiens pas ton engagement. Peut-être que tu ne contiens même pas ta réponse, parce que tu vas avoir une réponse que ça va te donner dans la tête que tu ne voudras pas que ce soit la réponse. Tu vas vouloir une autre réponse qui matche, par exemple, avec tes rêves ou avec une vision très, très fixée de ce que doit être ton avenir et puis de comment doit être le chemin pour se rendre à ça. Quand tu prends des obsessionnels dans ce genre-là, c'est des gens qui bloquent le mouvement puis qui éventuellement font le vide autour d'eux autres, puis ils se ramassent tout seuls. Parce que c'est toujours one track, one track, one track. OK, ça, c'est un point. Réponds-tu à ta question? Pour le temps? Plus ou moins? Bon, ben, quand on sort de la relativité, c'est bien, hein? C'est bon. Ben, dans la réponse, il faut que ça enclenche une ouverture. Ouverture, possibilité de mouvement, possibilité d'expansion. Pense toujours au mouvement dans le sens de sortir d'une routine, sortir d'un circuit fermé, sortir de quelque chose qui peut être accepté dans un temps et qui peut devenir une limite dans un autre. Comprends-tu? Ouais, mais j'ai pas fait ça dans cette intention-là, là. Puis, mais c'est parce que tu viens d'écouter le CD, tu allais écouter l'entêtement, t'aurais dit merveilleux, ça correspond parfaitement. Tout est lié, hein, c'est sûr. Le plus difficile, c'est l'affaire de la solution, c'est-à-dire l'engagement. Ça, c'est ce que les gens ont le plus de difficultés. Parce que très peu de gens connaissent ce sur quoi ils peuvent s'engager. Puis là, j'ai fini par comprendre que ce qui fait que tu vis avec l'autre à deux, c'est la présence puis la capacité d'améliorer sa vie. Si elle améliore ma vie, même si elle dit jamais, puis que moi, je dis oui, mais là, tu arrives au fait qu'elle se développe, moi, je me développe, puis on se divorce pareil, mais là, ça coûte moins cher d'avocat. Mais cette dynamique-là, pour la vie, il fallait que je m'engage. Parce que je suis allé établir la condition, genre, si on se baisse pas ensemble, si, Chris, ça ne serait jamais rien passé. Fait que j'ai plongé, puis j'ai dit, bon, ben, on va aller voir si le couple se vit, comme ils disent les forces, là, d'une façon virtuelle. Et puis, là, j'étais quand même capable de dire, hey, je peux être avec Shania Twain, ça me tente, puis je vais faire un couple. T'sais, je peux être avec qui je veux, puis faire un couple. Il s'agit juste que j'améliore sa vie, là. C'est rendu facile. Fait que ça m'a fait changer toute ma façon de voir le couple. Mais il a fallu que j'aie une réponse. T'sais, on va te faire voir le couple d'une façon différente. Mais il a fallu surtout que je m'engage. Parce qu'il y a du rejet là-dedans. Ouh, pas un petit peu, là. T'sais. Il y a beaucoup de « ça fait pas l'affaire à l'ego ». Fait que si tu t'engages pas, tu laisses pas ta sensibilité s'adapter à un plan de match qui demande à être corrigé quasiment toutes les trois semaines, mais Chris, il se passe rien dans ta vie. Puis là, j'allais frustrer. Là, j'allais dire, ah, si, je suis pas capable de vivre à deux, puis papa. Est-ce qu'on m'a dit? Bon. Fait que l'engagement, c'est la mesure de tes réponses. Tu as des réponses dans la vie, là, tu dis, ah, ben moi, je suis smart, si, je sais tout. OK, si tu sais tout, tu as dit que tu as de l'ouvrage à la planche, parce que tout savoir, c'est tout faire ce que tu sais. Parce que si tu sais tout, mais tu le fais pas, tu sais rien, dans le fond. Tu fais juste avoir des... Tu es juste canal, comme un radio qui donne de l'info, mais tu n'es pas un élément qui exécute. Fait que tes mises en vibration sont très, très... c'est la mise en situation de surface. Mais va-t'en... Quand tu te mets en situation d'obstacle, là, un gros questionnement, là, va-t'en avec une réponse, là, puis tu dis, on y va. C'est ça qu'ils disent, OK, on y va. Parce que si tu te plains, là, tu te plains, ça veut dire que tu cherches toujours quelque chose en arrière pour te retenir. Tu sais, c'est toujours meilleur en arrière. Ils peuvent pas t'amener, à un moment donné, ils peuvent te donner des réponses, mais tu les exécutes pas. Chris, à un moment donné, il n'y a plus de solution. C'est comme on sent le prix, c'est ça qui nous empêche de s'engager, de sentir le vide. Sentir le vide, c'est merveilleux, le vide. Si tu es comme un oiseau, tu plonges, tu vas flotter, tu vas voler. Tu vas plonger tout de suite. Puis si tu commences à douter en volant, tu t'écrases, tu plonges, tu es en chute libre, tu vois le sol arriver, la fin des choses arrive. Dans le vide, il faut que tu sois dans le vide. Mais si tu doutes dans le vide, c'est la mort. Assuré. La faillite, l'écrasement, le divorce, la réputation qui sort. Les mettre. Sais-tu qu'est-ce qui tient quelque chose? Tu sais-tu? Ce qui tient un couple, ce qui tient une compagnie, ce qui tient une business. L'électricité. L'électricité, c'est ton électricité. Si tu ne trouves, si tu trouves pas le moyen d'avoir une pôle, c'est votre batterie. C'est comment est-ce que vous êtes capable d'électrifier la forme? La forme, ce qui se passe dans vos vies, là, c'est en fonction d'une énergie, ça, là. Quand vous, vous êtes trop fatigué, vous vous inquiétez tout le temps, vous vous plaignez tout le temps, puis t'engagez, là, faut du jus. Il y a du monde qui ne sont pas capables dans la vie de s'engager. Ils se plaignent tout le temps, Carlis. Trouve-moi quelqu'un qui se plaint qui est capable de s'engager. Juste une personne qui est capable de se plaindre puis s'engager. Ça va pas ensemble. Ben non, c'est un gars qui se plaint ou une fille qui se plaint, c'est toujours à la remorque de quelqu'un. T'engager dans une solution, il faut que tu aies de la volonté, il faut que tu aies de la contenance, il faut que tu aies un hostie d'électricité qui te passe dans le cadran, qu'on peut appeler de la colère, puis ça comme vous voulez, mais ça demande du jus. Puis du jus, ça se fait avec « oui, je veux, Chris ». Et non pas « si j'ai pas ça, gna gna gna ». Tu sais, gna gna gna, là, ça va faire gna gna toute ta vie. Là. Donc, c'est ça. Une solution, c'est rapide. Une solution, c'est aussi rapide que tu n'essayes pas de contrôler. C'est ça qui est tough. Habituellement, quand c'est long, c'est parce que tu veux que ça se passe de ta façon. Mais une solution, c'est aussi rapide que tu ne cherches pas à contrôler. Ce qu'on appelle suivre la vibration. C'est dur suivre la vibration parce que faut que tu t'habitues à ce que ça t'ostine en dedans de toi. Tu sais, se faire ostiner par quelqu'un, tu sais, on établit une petite guerre de raison. Tu te plains, t'as peur, t'es anxieux, tu drapes la vibration, il n'y a rien qui se passe. Tu te plains pas, t'es sûr, tu dis bon, c'est un mauvais bout à passer, that's it. La vibration monte. Quand tu arrives à X niveau d'énergie dans ta batterie, pop, ça part. Fait que moi, dès que je pense travail aujourd'hui pour pouvoir arriver à quelque chose qui est à gros volume, là, grosse finance, faut que je le pense à deux. Mais faut que je le pense à deux, quelqu'un qui est capable de s'engager. Lui, quand on parle de bouche, je sais qu'il s'engage, pas de trouble. Tu as une réponse, tu en parles à quelqu'un, il s'engage, paf, tu as une solution. Tu teams ça en équipe, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu crées ça, c'est à l'infini. Tu peux teamer en équipe pour avoir des réponses, puis tu peux teamer en équipe pour vivre une solution. Je dis vivre une solution parce que la réponse, c'est déjà le concept puis le plan de match est dans la réponse. Mais pour arriver dans la solution, il faut que tu aies des gens engagés. Il faut que ce soit des gens qui se mettent au bat dans une action puis qu'il y ait une équité là-dedans. Moi, je trouve ça équitable, le bout qu'ils apportent versus le bout que j'apporte. Fait que on est capable de rouler avec ça et être confortable. Mais tu sais, si je pars en moto avec quelqu'un, puis qu'il part avec l'idée de faire 100 kilos, quand moi j'en ai dans la tête pour 400, ben il va me frustrer au bout de 100, là. En fait, au bout de 50, parce qu'au bout de 50 kilos, il va dire, il faut que je revienne pour faire plus que 100. OK. Question? Oui? Qu'est-ce qui peut aider à perdre? Qu'est-ce qui peut aider à garder son... Bonne question. Pour garder ton intensité, donc l'électricité, il ne faut pas se plaindre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Puis, il faut toujours être capable de s'engager. Toutes les situations ne se présentent pas que tu t'engages, mais il faut que tu sois capable de le faire. L'équivalence de ça, là, c'est comme... mettons que tu prendrais des cours d'arts martiaux pour apprendre à te défendre. Mais il faudrait qu'en tout temps, tu aies l'état d'esprit que s'il y a un mouvement qui est anormal dans un restaurant ou en public, tu sois capable de ramener tous tes arts martiaux en présence. Donc, toujours prêt au combat. Ce qui équivaut, si tu veux, dans mon langage, à être prêt à l'engagement au combat ou à l'engagement. Mais si c'est juste un cours que tu as pris d'arts martiaux, puis qu'après ça, tu penses à tes fleurs, puis tu penses à tes chats, puis tu penses à ci, puis tu penses à ça, tu pourras pas t'engager parce que c'est juste de la réponse que tu as été chercher. Puis t'as jamais exploré l'engagement de ta réponse. Fait que t'as jamais engagé un combat. T'as jamais voulu vivre ce que t'as appris. Toi, t'es comme ça. Toi, tu vas chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses, mais tu vis pas la solution de tes réponses. Il faut que t'explores la solution de tes réponses. Puis quand t'es dans l'engagement, il y a du développement là-dedans. Du développement, c'est quoi? C'est gain-perte. Déception, réalisation. Il y a une polarité, il faut que tu élimines dans l'engagement. D'ailleurs, c'est à ça que ça sert, l'engagement. À brûler de la polarité, à brûler des atmosphères de non définies. Oui, comme j'expliquais après-midi au groupe, c'est quoi un bon match entre un homme et une femme? C'est une femme qui contient son homme, puis un homme qui contient sa femme. C'est ça. Quand est-ce qu'on sait que le mari ne nous contient plus? C'est quand tu ne respectes plus. Quand est-ce qu'on sait qu'une femme ne nous aime plus? C'est quand elle ne nous contient plus.